So listen to me now. Donc, écoutez-moi maintenant. If the rings are ready, the spiritual rings are ready. Si les bagues sont prêtes, les bagues spirituelles sont prêtes. How about the spiritual garment then? Qu'en est-il du vêtement spirituel alors? That is now the responsibility of the church. C'est maintenant la responsabilité de l'Église. Follow me on this one now. Suivez-moi là-dessus maintenant. If you go to Isaiah 53, si vous allez dans Ésaïe 53 and Psalm 22, you see the price, et Psaume 22, vous voyez le prix at which the Messiah purchased the garment. Auquel le Messie a acheté le vêtement. They abuse on the cross. Ils ont abusé de lui à la croix. They abused. Ils en ont abusé, juste. He was tortured. He was abused. Blackmailed. Ridiculed. Il a été torturé. On en a abusé. Il a été ridiculisé. For me, when the Lord showed me how the Messiah was crucified. Pour moi, quand le Seigneur m'a montré comment le Messie a été crucifié, for about 3 months, I was walking and collapsing. I could not handle. Pendant environ 3 mois, je marchais, je tombais, je ne pouvais pas y faire face. The things I saw. Psalm 22, Psalm 22. Les choses que j'ai vues. Psalm 22, Psalm 22. Psalm 22 and Isaiah 53, precious people. Psalm 22 et Ésaïe 53, précieuses personnes. In Psalm 22, you hear him saying, "Please, my father, you've never abandoned me. I'm now like a worm." Au Psalm 22, vous l'entendez dire, "S'il te plaît, mon père, tu ne m'as jamais abandonné. Je suis maintenant comme un ver." It's like a human being becoming a worm. C'est comme un être humain qui devient un ver. He said, "The bulls of Bashan have surrounded me, the enemy bulls." Il dit, les taureaux de Bazan m'environnent, l'ennemi des taureaux. Have surrounded me. I've trusted in you from the beginning. I've known you can never. He's crying to the Father. M'environne. Je t'ai fait confiance dès le début. J'ai su que tu ne peux jamais. Il crie au Père. In Psalm 22. Dans le psaume 22. In Isaiah 53, you see. Dans Ésaïe 53, il dit, I've been crushed, and then if you look at verse 5. J'ai été écrasé. Et ensuite, si vous voyez le verset 5. Verse 5 and verse 10. Verse 5 says he was crushed. Verset 5 et verset 10. Le verset 5 dit, il a été écrasé. Verse 10 says, but it was the will of the Father that he be crushed. Le verset 10 dit, mais c'était la volonté du Père qu'il ait été écrasé. Alléluia. Alléluia. So I'm saying that the garment, because the Lord knows. Donc, je dis, que le vêtement, parce que le Seigneur sait que dans notre nature humaine, nous n'avons pas la capacité d'avoir le vêtement céleste. We cannot. So, the garment was prepared for the church on the cross. Nous ne pouvons pas. Alors, le vêtement a été préparé pour l'Église à la croix. And when the garment was prepared for the church on the cross, et lorsque le vêtement a été préparé pour l'Église à la croix, he says, fine linen, bright and clean, was given her gratis, free of charge. Il dit, du fin lin éclatant et pur lui a été donné, gratuit, sans payer. So the garment was given. Sommes-nous là? Donc, le vêtement a été donné. So it's a free garment. Donc, c'est un vêtement gratuit. So then the question that is going to ring into the hearts and minds of the pastors and bishops. Donc, alors, la question qui va sonner dans les cœurs et les pensées des pasteurs et des évêques. Then, ever since I received this garment of salvation. Alors, depuis que j'ai reçu ce vêtement de salut. Have I kept it finest linen, bright and clean? L'ai-je gardé l'un le plus fin, éclatant et pur? That is now going to be the question. Have I kept it clean? Ça va être la question. L'ai-je gardé propre? Everybody's given. It's free of charge. Il est donné à tout le monde. C'est gratuit. But what matters? Did you keep it clean? Mais ce qui compte, l'avez-vous gardé propre? Alléluia. Alléluia. And so, now you see. Et donc, maintenant vous voyez. That essentially is an announcement of the hour for righteousness. Essentiellement, c'est une annonce de l'heure de la justice. And he's saying, but you are that treasured generation. Et il dit, mais vous êtes cette génération précieuse. That the prophets of Bible also had cried. Que les prophètes de la Bible autrefois ont vu et ils ont pleuré. They said, wow. Ils ont dit, wow. I see a generation. Je vois une génération. That he comes in his cloud to visit. Qu'il vient dans sa nuée pour la visiter. He goes to visit them. Il va pour les visiter. But they said, wow, that's the treasured generation. I see him going to them. Mais ils ont dit, wow, c'est la génération précieuse. Je le vois. Allez à eux. That's the generation that prepares to receive the Messiah. C'est la génération qui se prépare pour recevoir le Messie. So don't let the devil allow you to squander your salvation. Donc, ne laissez pas le diable vous permettre de gaspiller votre salut. Your salvation is a treasure because he said, votre salut est un trésor parce qu'il dit, there was a historic celebration and joy. Il y avait une célébration historique et de la joie. Celebration, felicitation, jubilation. Célébration, félicitation, jubilation. Joy in heaven. Why? Because when they looked at the bride, she was ready. Joie dans les cieux. Pourquoi? Parce que quand ils ont vu l'épouse, elle était prête. That is the underlying. C'est le soulignement. For that historic meaning. Pour ce jour historique, signifiant. If it comes and the bride is not ready. Si l'épouse n'est pas prête. Historic sadness. Une tristesse historique. There you go now. Your salvation is key. Là, nous allons maintenant. Votre salut est clé. Let nobody use you or say to you that your salvation is group. It's not group. Que personne ne vous utilise ou vous dise que votre salut est groupe. Il n'est pas groupe. Your individual salvation has a direct bearing. Votre salut individuel a une portée directe. And to the jubilation. Sur la jubilation. Celebration, felicitation of heaven on that day. Célébration, félicitation des cieux en ce jour. In other words, the smile on the face of the Messiah. En d'autres termes, le sourire sur le visage du Messie. Because he finished the work. Parce que il a fini l'œuvre. He was tortured. Il a été torturé. He was abused. Il a été abusé. But now, when he will see you make it that day, he can smile because you know how. Mais maintenant, quand il vous verra faire ce jour, il peut rire parce que vous savez quoi? So the cross was worthy. La croix a été méritante. Otherwise, if he doesn't see you there, make it. Par ailleurs, s'il ne vous voit pas là, it will be a tragedy because the devil will laugh again. Ça sera une tragédie parce que le diable va rire encore. The devil will ask, then what was the cross all about? Le diable demandera, mais qu'est-ce que c'était la croix? Because now somebody, alors, parce que maintenant, quelqu'un who has been drinking in the bars with women, qui a été boire dans les bars avec les femmes, or just in immorality, doing whatever the world, ou juste dans l'immoralité, faisant tout ce que le monde fait, will come to you on that day when you miss it and say, wow. Viendra vers vous quand vous le manquerez et dira, wow. You also remained. Vous êtes aussi resté. But for me, I used to drink with women or with men, whatever the case. Mais pour moi, je buvais avec les femmes ou avec les hommes, quel que soit le cas. And do alcohol and whatever and drugs out there. Et faisait de l'alcool et quoi que ce soit et de la drogue dehors. I knew my fate. Je connaissais mon destin. But you were a pastor. Mais vous étiez un pasteur. You used to go to, even you remained. Vous alliez à, même vous êtes resté. In other words, en d'autres termes. Then what was the value of your salvation? Alors, quelle était la valeur de votre salut? What was the value of the cross? You understand? Quelle était la valeur de la croix? Vous comprenez? This is what we fight up against. C'est la contre que nous allons lutter. That we may honor the works of the cross. Que nous puissions honorer l'œuvre de la croix. And that's why your salvation is individual, it's not in vain. Et c'est pourquoi votre salut est individuel, il n'est pas en vain. It's not something put in a group and say we are all in trouble. Ça n'est pas quelque chose que vous pouvez mettre dans un groupe et dire, oh, nous sommes tous dans le trouble. Or we are all in sin. No. Ou nous sommes tous dans le péché. Non. Your individual salvation has a direct bearing. Votre salut individuel a une portée directe. And to the smile on the face of the Lord on that day. Sur le sourire du visage du Seigneur en ce jour. I want now to look at this fine linen. Je désire maintenant voir ce lin fin, bright and clean, éclatant et pur, was given her to wear, qui lui a été donné pour se vêtir. And it says, fine linen, et il dit, du fin lin, stands for the righteousness of the saints. C'est la justice des saints. In other words, en d'autres termes, this man has been sent to you, cet homme vous a été envoyé, to announce the dispensation of righteousness back to the church. Pour annoncer la dispensation de la justice qui retourne à l'église. In other words, he's saying, en d'autres termes, il dit, out of that, you should now be using a prism. De là, vous devriez maintenant utiliser un prisme. Anything you do, that should be the prism to use. Donc tout ce que vous faites, ça devrait être le prisme à utiliser. But let's walk slowly by slowly into this. Mais marchons lentement là-dedans. So, to characterize this, this is how I want to begin. Donc, pour caractériser cela, c'est là que je désire commencer. First of all, d'abord, in the announcing dans l'annonce of that garment, de ce vêtement, the righteousness, the garment of righteousness, la justice, le vêtement de justice that the church ought to wear now. In fact, he's saying, que l'Église doit vêtir maintenant. En fait, il dit, that's the garment for entry. C'est le vêtement pour l'entrée. So that's really key. Donc, c'est vraiment clé. But in that announcing of fine linen, donc, dans cette annonce de fin lin, bright and clean, éclatante et pure, was given her to wear, qui lui a été donnée pour se vêtir, what were the circumstances under which he said that? Quelles étaient les circonstances dans lesquelles il dit cela? Under what circumstances? Dans quelles circonstances? Does he say that? Dit-il cela? That is how to characterize it. C'est comment le caractériser? Fine details. De fins détails. Bit by bit. Petit à petit. So easy, so we can really get deep. Ainsi, nous pouvons aller plus profondément. And understand the treasure. Et comprendre le trésor. Of what he did on the cross. De ce qu'il a fait sur la croix. To deliver this garment to us. Pour nous délivrer ce vêtement. So number one is the following. Donc, numéro un, c'est ce qui suit. If you look at, si vous voyez, the circumstances, les circonstances, under which he says, fine linen, dans lesquelles il dit du fin lin, bright and clean was given her to wear, éclatante et pure lui a été donnée pour se vêtir. This is what you find. C'est ce que vous trouvez. You find that he's saying so. Vous trouvez qu'il dit ainsi, under the circumstances of announcing the coming of the Messiah. Dans les circonstances de l'annonce de la venue du Messie. That is just how grave this is. C'est juste combien c'est important. I'm trying to now deliver gravity to you, gravitas. J'essaie maintenant de vous délivrer la gravité, gravitas. That he is saying, qu'il dit, fine linen, du fin lin, bright and clean, éclatante et pure, was given to the church to wear, a été donné à l'église pour se vêtir, but at the time he's saying so, mais au moment où il le dit, he's saying so, il le dit when he's announcing that the Messiah is coming, quand il annonce que le Messie vient. So that means this message is serious. Donc, ça veut dire que ce message est sérieux. Because that's the day for which we became Christians. Parce que c'est le jour pour lequel nous sommes devenus chrétiens. I've gone all over the world. J'ai été tout autour du monde. I have never found any Christian that says, "Me, I became born again that I may never enter heaven." Je n'ai jamais rencontré aucun chrétien qui ait dit, "Moi, je suis devenu né de nouveau pour que je ne puisse jamais entrer aux cieux." I've not met one yet. Je n'en ai pas encore rencontré un. They always said that I may enter. Ils disent toujours pour que je puisse entrer. So if that be true, then surely, surely, surely. Donc, si c'est vrai, alors sûrement, sûrement, sûrement. That is serious. C'est sérieux. The coming of the Messiah. La venue du Messie. The day of entry. Le jour de l'entrée. So, in characterizing the garment, that's the first thing you see. Donc, en caractérisant le vêtement, c'est la première chose que vous voyez. That when the church wears this garment, que lorsque l'église porte ce vêtement, then you know, this garment actually talks about time. Alors vous saurez, ce vêtement parle du temps. Then, for that matter, alors, d'ailleurs, it talks about time. Il parle du temps. At the time, que le temps for the coming of the Messiah is now here. Pour la venue du Messie est maintenant là. We should now prepare. Nous devrions maintenant nous préparer. He is now coming. Il vient maintenant. Because the day and the hour we do not know, right? Parce que le jour et l'heure, nous ne les connaissons pas, juste? But the season we know. Mais la saison, nous la connaissons. If you go to Israel, si vous allez en Israël, and I know most of you know that I studied in Israel and lived there quite a bit. Et je sais que la plupart d'entre vous savez que j'ai étudié en Israël. J'ai vécu un peu là. If you go to Israel, si vous allez en Israël, the wedding season is known. La saison des mariages est connue. But I'm saying, mais je dis, that for you to understand the gravity, que pour que vous compreniez le sérieux of this fine linen, de ce fin lin, bright and clean, éclatante et pure, was given her to wear, qui lui a été donnée pour se vêtir, you must understand the circumstances, vous devez comprendre les circonstances under which he affirms, he asserts, dans lesquelles il affirme, il assure, he emphasizes, il souligne fine linen, bright and clean, du fin lin éclatant et pur. And he is doing so, et il le fait when he is announcing the coming of the Messiah, lorsqu'il annonce la venue du Messie. Wow. Wow. Everybody wants to enter. Tout le monde désire entrer. So for us, that is now serious. Donc pour nous, c'est maintenant sérieux. Now I need to follow, maintenant, je désire suivre and understand deeper now about this garment, et comprendre plus profondément maintenant sur ce vêtement. Because now I realize, parce que maintenant, je réalise, it's about entry. C'est sur l'entrée. It's not even a joke about eat here, what, live here, well, whatever. Ça n'est même pas une plaisanterie sur manger ici, quoi, bien vivre ici, quoi que ce soit. It's about entry to eternity. C'est sur l'entrée dans l'éternité. That you and I cannot purchase with money. Que vous et moi ne pouvez pas acheter avec de l'argent. Number two. Numéro deux. If you look at the manner. Si vous voyez la manière. The manner in which. La manière dans laquelle, or the way in which he's emphasizing, comment il souligne, fine linen, du fin lin, bright and clean was given her to wear, éclatante et pure lui a été donnée pour se vêtir. It follows, il en résulte, it follows the scripture there, there's a scripture that follows, il en résulte le texte, il y a un texte qui en résulte, it follows, il en résulte, an emphasis on preparedness. Une accentuation sur la préparation. Listen very carefully. Écoutez attentivement. Under what circumstances? Dans quelles circonstances? When he's announcing, quand il annonce, the day we all tremble like this, le jour où nous tremblons tous comme ceci. In fact, they call it the day of the truth. En fait, ils appellent ça le jour de la vérité. The day of reckoning. Le jour du jugement. Are you born again? Yes, I'm born again. Êtes-vous né de nouveau? Oui, je suis né de nouveau. Okay. D'accord. The day is coming. Le jour vient. When I'll prove it. Où je le prouverai. When I'll see if you are really been born again. Où je verrai si vraiment vous êtes né de nouveau. So it's the day of truth. Donc, c'est le jour de la vérité. That's just how serious it is. Voilà combien c'est sérieux. It's being announced. Ça a été annoncé. That fine linen is being announced. Ce fin lin a été annoncé at the moment, au moment when they are talking about the coming of the Messiah, où il parle de la venue du Messie. The day, le jour which is supposed to be like the measure, the standard, qui est supposé être la mesure, le standard. The day of truth, le jour de la vérité. The day that will prove, le jour qui prouvera. Have we really been Christians? Avons-nous vraiment été chrétiens? All this along. Tout cela. Did you understand? Avez-vous compris? And then I said number two. Et ensuite j'ai dit, numéro 2, it is being announced, ça a été annoncé at the time when, au moment où they are emphasizing on, ils accentuent sur preparedness, la préparation, readiness, être prêt for that day, readiness, pour ce jour, être prêt, preparedness, la préparation. Oh! Ah! Alléluia. Alléluia. Oh yes. Oh oui. Hein? It's now about, maintenant, c'est à propos, the coming of the Messiah, la venue du Messie. That we treasure. Ce sera précieux. And then inside there, he's talking about preparedness. What? Et ensuite, là à l'intérieur, il parle de la préparation. Wow. Wow. I'd rather understand this thing properly now. J'ai avantage à comprendre ces choses correctement maintenant. It is actually being now used. C'est en fait maintenant utilisé to standardize preparedness. Pour standardiser la préparation. So number three. Donc, numéro 3. Now I am really beginning a journey with you. Maintenant, je commence réellement un voyage avec vous. To go deep and understand. Pour aller profondément et comprendre. What is this fine linen? Qu'est-ce que c'est ce fin lin? Bright and clean that is announcing to us that we must wear. Éclatant et pur, que c'est annoncé que nous devons le porter. What is it? Qu'est-ce que c'est? Look at what he says. Voyez ce qu'il dit. He says, il dit, fine linen, du fin lin, was given her to wear, lui a été donné pour se vêtir. Fine linen, bright and clean, he says. Fin lin, éclatant et pur, dit-il. Now listen to this now. Maintenant, écoutez ceci. Sometimes you go to the house. Quelquefois, vous allez à la maison. At night. La nuit. And then you tell. Et ensuite, vous dites. You are people in the house. À vos gens dans la maison. Wow, is there light here today? Wow, est-ce qu'il y a de la lumière ici aujourd'hui? Oh yes, we have lit the lamp. Bien sûr, nous avons allumé la lampe. How come today is not that much bright? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça n'est pas aussi clair? Because he's saying. Parce qu'il dit. Wow, how come today I see as if that bulb is not bright? Wow, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la lampe n'est pas claire? Do we have another bulb? Has something changed? Avez-vous une autre lampe? Quelque chose a changé. Is electricity full or what? Est-ce que quelque chose ne va pas avec l'électricité? How come I don't see? Comment est-ce que je ne vois pas? It's not as bright, huh? Ça n'est pas aussi clair, hein? Meaning, from where I am, signifiant d'où je suis, I should be able to see its brightness. Je devrais être en mesure de voir sa clarté. So when he says, donc, quand il dit fine linen, du fin lin, finest linen, du lin le plus fin, bright and clean, éclatante et pure, was given to the church to wear, a été donné à l'église pour le porter. That means he's saying the following. Ça signifie qu'il dit ce qui suit. That this fine linen, que ce fin lin, is being announced to the church, a été annoncé à l'église, under the circumstances, dans les circonstances, in which she is supposed, dans lesquelles elle est supposée, to broadcast the light of salvation to the earth, donner la lumière du salut à la terre, broadcast it, réponds-la, she is supposed to publish this, elle est supposée le publier. In other words, he's talking about, look at this, en d'autres termes, il parle de, voyez ça, he's saying, il dit, that this hour, she's supposed to wear this garment. Qu'en cette heure, elle est supposée porter ce vêtement. But he's saying, mais il dit, that if the church wears this garment now, que si l'église porte ce vêtement à présent, it cannot be hidden. Ça ne peut pas être caché. It is bright, it's obvious, the eyes can see it. C'est éclatant. C'est évident que les yeux peuvent voir ça. Meaning, signifiant, I should be able to see it from afar. Je devrais être capable de le voir de loin. That is the indictment to the church. C'est la mise en accusation de l'église. That is where the church is being held responsible today. C'est là où l'église porte une responsabilité aujourd'hui. Because he's asking, parce qu'il demande, how come the church of Christ, you say you are wearing the garment? Comment est-ce possible, l'église de Christ, tu dis que tu portes le vêtement, but the brightness thereof cannot be seen. Mais la luminosité là ne peut pas être vue. Which garment are you wearing? Quel vêtement portez-vous? Oh yes. Oh oui. So, donc, number three, like I said, numéro 3, comme j'ai dit, which we have just discussed, dont nous avons juste parlé, number three is saying, numéro 3 dit, that the church, que l'église, in this circumstance, dans cette circonstance, in this hour, en cette heure, that if the church is wearing this garment, it should be obvious, que si l'église porte ce vêtement, ça devrait être évident. Obvious. Évident. There you go now. Là, nous allons maintenant. Because he's saying, look at this now. Parce qu'il dit, voyez ça maintenant. In Matthew, he said it. En Matthieu, il a dit cela. That you are the light of the world. Que vous êtes la lumière du monde. And he's saying, et il dit, that the light that you are, que la lumière que vous êtes, should be so bright, devrait être si claire, that the world can see, que le monde puisse la voir. He's talking about, il parle, fine linen, de fin lin, bright and clean, bright, éclatante et pure, éclatant. How come this, wow, that light is bright. Comment est-ce possible que, oh, cette lumière est éclatante? Meaning from here I can see it. Signifiant, depuis là je peux la voir. And guess what? Et devinez quoi? The darker the world, plus le monde est sombre, the darker the dispensation, plus la dispensation est sombre, the darker the hour, plus l'heure est sombre, the brighter should be the light, plus éclatante devrait être la lumière. So now that is the instruction. Donc maintenant, c'est l'instruction that the Lord is giving the church from that vision. Que le Seigneur donne à l'Église de cette vision. He's actually speaking to the church. Il parle en fait à l'Église about sur the garment of righteousness. Le vêtement de justice. And he's saying, et il dit, it's about c'est sur shining the light of Christ. Said, briller la lumière de Christ. Il dit, that when you wear, vous voyez, que lorsque vous la portez, it publishes. Elle se publie. That shining is to broadcast. Cette lumière est pour répandre your salvation, meaning evangelize. Votre salut, signifiant évangéliser. And he's saying, et il dit that the light that you are, que la lumière que vous avez should be so bright, devrait être tellement éclatante that the world can see. Que le monde puisse la voir. If you know that this message has touched you, si vous savez que ce message vous a touché, and you know that you are not right with the Lord, et que vous savez que vous n'êtes pas en paix avec le Seigneur, please, repeat this prayer with me. S'il vous plaît, répétez cette prière avec moi. Say, dear Jesus, dites, cher Jésus, I repent today, je me repens aujourd'hui and reject sin. Et rejette le péché. Lead me into righteousness. Conduis-moi dans la justice. I receive you as Lord and Savior. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Please, s'il te plaît, protect me. Protège-moi. In the mighty name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen.